You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking the hot box. Cookies, fucking on your bitch, yeah, dot. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. My bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Ha. My bitch is bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Dude. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Toutes les couleurs sont mes liasses. Toutes les couleurs sont mes biatchs. Balle dans le cas vu, y'a que ça qui marche. Crac dans de la lue pour ses limaces. J'négocie pas le tarot, juste les virages. J'suis en GP, mais en même temps. Je cuisine, j'emballe, je vends. J'perds pas le nord, négro, même quand ta cousine se place devant. J'débarque dans ta soirée en tapant. Sans de haine sous les pneus avant. On dit que le savoir est une me a. Y'a tout ce qu'il faut savoir dans boîte à gants. Mec, j'suis posé dans le checks. Mec, j'suis posé dans le checks. Bonnet placé sur le tech. Toujours un œil sur les decks. Mec, j'suis posé dans le checks. Mec, j'suis posé dans le checks. Toujours opé dans les jazz. Va dire aux qu'on les baise. Raindrop, drop top. Smoking, no cooking, the hot box. Cookies, fucking on your bitch, yeah, dot. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. My bitch, bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Gah. My bitch is bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Dope. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Yeah. Gucci, Fendi, Dior, Prada, Maison, Martin, Margiela, Emma, Yeo, Cash, Mara, Punta, Cana, Marbella, Ferragano, Balenciaga, Valentino, Gabbana, OG, Benzo, Bana, Mera, Chapeau, Garci, Havana. Veux samedi soir, on va chicher. Dépenser le salaire du péché. Surveillez vos poulettes et méchés. Pour être VIP, c'est 3 tailles obligées. RIP, Easy E, Christian ODG, DJ. L'Ossa, dites-moi quel est le fuck. L'Ossa, dites-moi quel est le fuck. Mon gars va suggérer un prix 7 jeupi. L'Ossa, dites-moi quel est le proc. Ouais, ouais, flatté, ouais, ouais. L'Ossa, pecs sont tracés. Barbé, l'Ossa, poche sont liassés. Alléluia, loqué, tracé, balé, couilla. Raindrop, drop top. Smoking, no cooking, the hot box. Cookies, fucking on your bitch, yeah, dot. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. My bitch, bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Gah. My bitch, bad and bougie. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Dope. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Gah.